Et la chaîne flunch gang, punchline, mes frères me soignent. Pour combien de temps the world is mine, tant que je reste bankable. Ma vie tous les jeunes la veulent, y'a de l'amour, le seum, la vale. Mon père restera le seul, changera mon instru en rafale. J'entends tout quartier qui gueule, fait croquer les classes et X. Wesh poto débloque la somme, on se barre en week-end à PX. Pousse moi tiens c'est mon mariage, pousse vent y'a des trucs à faire. Pousse le volant, pousse la verre, gros j'crois t'as cru j'étais ton père. Ton père social tu les mets, dans la race là tu les mets. Dans la selle là tu les mets, poto amigo mon assaut. J'étais comme toi tu m'aimais, plus la même pointure qu'on chose. Mais secrètement t'espérais m'emmener avec toi dans la fosse. Love it and disperse nos familles. Tu pousseras mon frérot à changer de style. Un jour mon poil cœur voudra plus de ma vie. La jalousie est là, le diable fait. Love it and disperse nos familles. Tu pousseras mon frérot à changer de style. Un jour mon poil cœur voudra plus de ma vie. La jalousie est là, le diable fait. Love it and un jour mon poil cœur voudra plus de ma vie. La jalousie est là, le diable fait. Parmi tous sa trahison reste le vrai tri. Laisse-moi m'envoler, le sous-sol me détruit. La jalousie crie quand mon bonheur s'exprime. J'ai plus personne à rendre fier de moi. Le moral dans les sandjacks, noyé dans un grand jack. Les épaules solides et le cœur foncé comme un manjack. Je reste prudent pour le peu qu'il me reste à détruire. J'apprends à tourner cette fois mon stylo avant d'écrire.